Salut Blockbuster. D'habitude, j'écoute l'émission en podcast et pour une fois, je finissais le travail à 17h pile. Alors, je me branche sur France Inter, je me dis trop bien, on est lundi, je vais pouvoir regarder Blockbuster. Enfin, écoutez. Et puis, en fait, non, c'est la rentrée. Donc, je suppose à plus tard, j'espère. Merci pour tout, en tout cas. À bientôt. Bonjour. Merci, monsieur Sigrid. Pour toutes ces émissions, je vais passer tout mon temps à regarder la télé, à lire des livres, à jouer à des jeux vidéo. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je m'en fous. Eh ben, Blockbuster, il a fallu que j'attende la podcast après votre dernière émission pour enfin entendre que vous donniez le 56, 40, 30, 20, que j'ai demandé vainement toute la semaine, parce que je venais de découvrir l'émission à Radio France au 56, 40, 22, 22. Et qui vous connaît pas, et qui connaît pas l'émission, et qui sait pas qu'il y a un répondeur. Voilà. Eh ben, tant pis. Eh bien, cette édition Blockbuster de l'été 2021 m'a vraiment fait plaisir. Oui, Frédéric, bonjour. Merci déjà pour cette émission que j'ai découvert cet été, et vraiment, j'ai écouté tous les podcasts et que des thèmes géniaux. Et gros ascenseur émotionnel ce soir en rentrant du boulot. Je vois que la prochaine émission est prévue sur Evangelion, qui est sans doute mon manga préféré. Mais j'apprends que c'est la fin de l'été et que vous passez tous les 15 jours. Et là, ça fait une petite claque. Mais je serai quand même ravi de vous retrouver. Donc, à très vite. Vive Blockbuster sur France Inter. Ouais. To be or not to be, not to be. C'est marrant la manière dont on représente les adolescents dans les univers de fiction. Dans la vraie vie, t'écoutes des parents parler de leurs ados, ils vont les trouver indolents, oisifs, apathiques. Mais dans un récit de manga ou d'heroic fantasy, on va pas hésiter une seule seconde à leur confier le destin du monde ou de l'univers. Un ado dans le monde réel, t'espères qu'il va ranger sa chambre. Dans la fiction, t'espères qu'il va faire 8000 km pieds nus pour aller jeter un anneau dans un volcan après avoir combattu un sorcier que des millions d'adultes n'ont jamais réussi à vaincre. Dans le monde réel, on leur achète des téléphones portables pour qu'ils soient joignables dès qu'ils sont à plus d'un kilomètre de la maison. Dans un animé, on va les mettre tranquillement aux commandes de robots géants alimentés par l'équivalent de 10 centrales nucléaires. Ton fils ou ta fille rentre avec des devoirs du lycée, t'es déjà en train de faire un mail à ses profs pour leur dire qu'il leur donne beaucoup trop de travail. Dans un manga, l'adolescent a beau pisser le sang parce qu'il est en train de se battre contre un monstre qui lui fait traverser des montagnes, t'as le père qui regarde le combat à la fraîche en mode « ça lui fait du bien, faut qu'il apprenne ». C'est le paradoxe de la fiction. On ne fait confiance aux générations futures que quand elles vivent dans des mondes imaginaires. On s'étonne souvent du succès insolent des mangas, c'est peut-être parce que c'est un des rares médias où on ne prend pas la jeunesse pour des abrutis. France Inter, Blockbuster, juste ici ça va. Frédéric Siglist. Mais pourquoi il fait sombre ici? Un visage? C'est un robot géant? Tu ne trouveras rien sur lui là-dedans. Tu as devant toi le système de combat polyvalent le plus perfectionné jamais conçu par l'homme. L'humain artificiel Evangelion. Ceci est l'unité 01. Elle a été construite dans le plus grand secret. C'est notre dernier recours pour défendre l'humanité. Il faut à tout prix anéantir les anges. Notre avenir en dépend. S'il est un nom que les amateurs de dessins animés japonais connaissent bien, c'est celui d'Hideaki Anno. Lancé par Hayao Miyazaki avec Nausicaa de la Vallée du Vent, nul ne semble pourtant aussi différent du maître Miyazaki qu'Hideaki Anno. Angoissé par l'avenir, dépressif capable de s'isoler et de disparaître du jour au lendemain, il a créé au milieu des années 90 avec son studio, le studio Gainax, une des séries de science-fiction qui a révolutionné les codes du genre. Néon, Genesis, Evangelion. Pour revenir sur ce monument de l'animation, j'ai avec moi Marine Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et traductrice chez Pixenlove, autrice de Neon Genesis Evangelion, le renouveau de l'animation japonaise, paru cette année aux éditions Pixenlove. C'est un mauvais livre, faut pas l'acheter. vous vendez bien votre truc. Hein. Super. Avec nous également Bruno Delacruz, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Animeland, le magazine de l'animation et du manga, et vous allez participer le week-end du 18 et 19 septembre au Japan Alp Festival de Grenoble, à Ève, sur le campus de Saint-Martin-d'Air, avec au programme de nombreuses rencontres entre passionnés de culture japonaise, mangaka, écrivains, dessinateurs et musiciens qui seront au rendez-vous. Et en clôture, on attend la projection d'un film d'animation en partenariat avec Mon Ciné, Pupel of Chinatown. Alors, c'est ça. On mettra les références sur le site, ça sera mieux. Réalisé par Yuzuki Hirota. Exact, c'est ça. Avec nous, Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, ravi de vous retrouver. C'est toujours un plaisir, merci. Journaliste spécialisé dans la pop culture japonaise. Ensemble, on va revenir sur la carrière d'Hideaki Anno, la genèse d'Evangelion, ses influences, mais aussi ses héritiers. En quoi la manière de concevoir les héros et héroïnes de cette série a marqué une rupture radicale avec ce qui se faisait à l'époque. On parlera de la fin de cette série qui a créé une telle polémique qu'Hideaki Anno en a réalisé une autre, et puis encore une autre. Un peu plus tard, Evangelion, c'est aussi une histoire conflictuelle avec ses fans. Bref, on vous parle de tout ça et un peu plus. Blockbuster Evangelion, yokai. Hi, moji moji. Nanda, Ritsuko-kan. Ah, c'est toi, Ritsuko. Doro, kalesto omaku itteru. Comment ça se passe avec ton petit copain? Mon quoi? Ah, tu veux parler de Shinichi? Ça fait 2 semaines qu'il va à l'école, rien n'a changé. Et personne ne l'a encore appelé sur son téléphone. Demo? Son téléphone? C'est devenu une nécessité pour tout le monde aujourd'hui. Alors je lui en ai donné un. Mais apparemment, il s'en est pas servi. Et il n'a pas non plus reçu d'appel. Si tu veux mon avis, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'amis. C'est dans sa nature. Il faut croire que c'est pas le genre de garçon qui arrive à se faire des amis facilement. Tu connais le dilemme du hérisson? Le hérisson? La bestiole avec des piquants? Il est très difficile pour les hérissons de se réchauffer mutuellement pour partager leur chaleur quand il fait froid. Parce que plus ils se rapprochent, et plus ils se blessent. C'est pareil pour certaines personnes. Je crois que Shinji a peur de souffrir et par conséquent, il préfère garder ses distances vis-à-vis des autres. Il finira par apprendre. C'est en essayant qu'on apprend. On fait des tentatives qui se soldent parfois par des échecs. Mais au bout du compte, l'expérience nous apprend la distance qu'il faut adopter pour éviter de souffrir et de blesser les autres. C'était un extrait de la série Neon Genesis Evangelion et vous avez entendu Misato Katsuragi, doublé en français par Laurence Breyret, et également Ritsuko Akagi, doublé en français par Marie Chevalot. Marine Alexandre, je me tourne vers vous pour vous poser cette première question d'ouverture. Qu'est-ce que ça raconte, Neon Genesis Evangelion? Très bonne question. Basiquement, c'est l'histoire classique, ça prend un garçon, un adolescent de 14 ans, c'est important, qui est rappelé par son père, qui l'a abandonné plusieurs années auparavant, pour aller, pour monter à bord d'un robot, en apparence, et combattre les anges. Donc combattre les anges qui sont l'antagoniste principal de la série, qui sont donc des kaiju, des grands monstres, qui ravage une ville fictive qui s'appelle Tokyo 3, qui est une ville en fait forteresse. Alors c'est un récit dystopique, c'est-à-dire que ça se passe après une catastrophe. Alors, qui a eu lieu. Ça se passe 15 ans après le second impact. Dans l'histoire, il est raconté au début que c'est une météorite qui s'est écrasée sur la Terre, au pôle sud. On apprend par la suite que c'est pas le cas. Je sais pas si je peux en parler. Non, on peut. Alors en fait, au pôle sud, c'était la découverte du premier ange, Adam, qu'on voit par la suite dans la série. Des scientifiques ont simplement découvert une grande zone sphérique en sous-sol au pôle sud, avec à l'intérieur un ange, Adam, ainsi qu'une lance qui permettait de le garder dans son état embryonnaire. Ils ont enlevé la lance, ça a créé le second impact. Quelques années plus tard, ils découvrent une autre forme sphérique, donc qui est la lune noire, la précédente étant la lune, qui est la lune blanche, la précédente étant la lune noire. Donc la lune blanche qui est à l'intérieur, donc qui se trouve cette fois-ci là où se trouve Tokyo 3, c'est là où se passe l'histoire, donc dans la nerve, c'est là où se trouve la nerve à l'intérieur, ils construisent la nerve à l'intérieur. Alors il faut expliquer aux auditeurs ce qu'est la nerve. La nerve, effectivement. La nerve qui est une organisation financée par l'ONU, et aussi d'autres gouvernements aussi, par le gouvernement japonais, pour combattre les anges, parce que les personnes qui découvrent la zone sphérique veulent recommencer, découvrent la zone sphérique sur Tokyo, veulent recommencer une seconde fois leur expérience. Ils retrouvent un deuxième ange, qui est cette fois-ci Lilith, avec une autre lance, techniquement. Et cette fois-ci, ils décident, donc là, cette fois-ci, en fait, ils font leur truc et ça se passe très très bien. Et donc, ils décident d'installer la nerve dans cet endroit, en prévenant le gouvernement japonais, l'ONU, etc., et le monde entier, que, effectivement, des anges, des grands monstres, pour le coup, ils savent du pôle sud, hein, vont venir jusqu'ici tenter de récupérer ce qui se passe. Alors, on a parlé de ces mécas, de ces robots géants qui servent à combattre les anges, les Eva. Mathieu Pinon, est-ce que vous pouvez nous parler des Eva? Alors, les Eva, donc, puisqu'il y a des créatures gigantesques, les kaijus, comme l'a si bien dit Marine, qui viennent attaquer Tokyo 3, il faut défendre Tokyo 3 avec des moyens à leur hauteur. Et donc, qui dit monstre géant, dit robot géant. Et là, les Japonais se disent, évidemment. Évidemment, hein, on se retrouve dans toute une culture du mecha, du robot initié depuis au moins Gonagai. Si ce n'est que cette fois-ci, on n'a pas un robot qui est un assemblage de briques et de brocs, de métal, de rouages et d'autres rayons laser. C'est un robot qui a quand même une forme humanoïde assez développée, qui a une souplesse particulière. Hein. On est vraiment loin d'avoir juste des arbres à cam et que sais-je encore. Et on est entre le robot et l'animal, une créature biologique. Oui. Voilà. Au fur et à mesure de l'intrigue, la véritable nature des Eva va être peu à peu révélée. Et la preuve qu'il y a vraiment cet aspect complètement animal, c'est que le pilote, quand il conduit l'Eva, ne va pas être comme Actarus dans Goldorak à tirer des leviers, pousser sur des boutons, appuyer sur des manettes. Il va être en connexion neuronale. C'est-à-dire que toute souffrance, enfin toute blessure du robot va être ressentie par le pilote. Voilà, et c'est donc la première fois où Shinji part au combat bien malgré lui. Il va comprendre ça. Quand son robot se fait arracher un bras, il a la sensation qu'on lui arrache un bras. Rappelons qu'il a 14 ans. Voilà, c'est un truc qui n'est pas très très agréable, que ce soit à 14 ans ou plus tard. Oui. Non, mais je me suis laissé dire que passé 19, on le gère vachement mieux. Ouais. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé personnellement. Bref, toujours est-il qu'on a cette fusion homme-machine, enfin machine, homme-machine, homme-robot, qui est poussé bien plus loin que dans les précédentes séries qui traitaient de robots géants. Et donc, on va se retrouver avec non seulement quelqu'un qui est supposé botter le cul des méchants monstres qui viennent menacer notre belle planète, mais en plus, quelqu'un qui se retrouve avec des prises de conscience particulièrement violentes lors des combats. Et d'ailleurs, dans la série, le tout premier combat est magnifiquement mis en scène pour qu'on comprenne bien que c'est pas tant la baston en elle-même qui va nous intéresser dans la série, c'est comment va le ressentir le pilote, comment est-ce qu'il va vivre ça en tant qu'être humain, en tant qu'adolescent de 14 ans. Bruno, justement, parlons du personnage de Shinji, qui est le héros de cette série, qui est en fait, qui a tout du anti-héros, parce qu'en fait, Shinji, tel que le spectateur le découvre, ne sait pas faire grand-chose. C'est un enfant et qui tente juste de retrouver son père et il se retrouve dans une situation qui le dépasse. Oui, c'est vrai que on est dans une situation où c'est un garçon qui était sans contact avec son père, et au moment où son père le retrouve, la première chose qu'il lui dit, c'est justement de monter dans cet énorme robot pour aller combattre des monstres terrifiants, ou en tout cas qui menacent notre planète. Et c'est vrai que dans l'histoire du super robot, on assiste très souvent à des jeunes héros comme ça qui montent dans des robots et puis qui combattent et qui prennent quelque part un petit peu plaisir. Alors je ne dirais pas que Evangelion est le premier à proposer un héros qui va un petit peu à reculons, parce que il freine même carrément. Hein. Je comprends totalement. Bien sûr, bien sûr. Mais on a déjà eu des personnages qui avaient peur aussi de piloter des gros robots, d'aller comme ça tuer des gens, parce qu'il faut quand même aussi à un moment donné enlever la vie à quelqu'un. Mais c'est vrai que ce qui est frappant avec Shinji Ikari, c'est que il a cette fragilité terriblement humaine, et en termes d'identification, c'est vrai que ça pose pas mal de questions, parce que on avait l'habitude de voir des héros qui outrepassaient les dangers, pas de soucis, le levier, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Là, c'est beaucoup plus difficile. Il morfle physiquement, il morfle mentalement. Mentalement, c'est terrible, ce qui lui arrive. Voilà, c'est une découverte incroyable. Et ce qui est fou quand on parle avec des fans d'Evangelion, c'est de voir que même si la série jouit d'une popularité énorme, son héros est un des personnages les plus détestés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, il dit « Ah, mais Shinji, je ne le supporte pas !» Pour moi, c'est la preuve, désolé, mais c'est la preuve d'un personnage réussi quelque part. Parce que à partir du moment où tu donnes au spectateur ce enfin ce que le spectateur veut, ça pose pour moi un petit souci. Là, on est dans quelqu'un qui est bien écrit, quelqu'un qui écrit, qui a des failles, pas de faux semblants, et puis qui a une évolution. Donc, effectivement, d'un coup, on voit ce gamin plutôt frêle, qui se fait un petit peu marcher dessus, mais qui a quand même un courage énorme. Oui. Au final, encouragement. Si je peux me permettre, justement, ce courage qu'on occulte très souvent dans la série, parce que c'est vrai que beaucoup vont retenir de Shinji un côté très géniard, très... Moi, pour le coup, j'ai revu la série, vraiment, ça s'explique totalement. Le monde entier est contre moi. Ouais. Néanmoins, quand il arrive, justement, au tout début de la série, que son père lui dit « Monte dans le robot, va au casse-pipe et sauve-nous », et qu'il refuse, son père dit, bah, est-ce que tu veux pas y aller? Je vais prendre l'autre pilote qui y va d'habitude. Et débarque alors une jeune fille qui est sur un brancard, qui a un lambeau, qui pisse le sang de partout, qui a le bras dans le plâtre, et qui fait, bon, bah, puisqu'il y a que moi qui va y aller, j'y vais. Et Shinji fait, alors si c'est elle qui doit y aller, alors qu'elle est vraiment dans un état proche, enfin, 3 mois de convalescence minimum, bah, je me dévoue. Il est hors de question que c'est, et comme quoi, Shinji a du courage. Mais il a du courage, mais est-ce que c'est pas justement, et Marine-Alexandre pourra peut-être confirmer ou infirmer ce que je veux dire, est-ce que c'est pas justement les prémices de la manipulation du père, qui savait très bien que, en amenant cette pilote blessée devant son fils, il se sentirait obligé de jouer son rôle, c'est-à-dire de piloter l'Eva 01, parce qu'il y en a plusieurs, et celui-ci... est-ce qu'il n'y a pas la dimension de père stratège manipulateur qui apparaît dès le premier épisode dans Évangélion? Alors, non seulement totalement, mais ce n'est pas le seul qui manipule Shinji. Shinji est censé simplement, dans les papiers initiaux, hein, c'est représenter l'adolescent banal, mais vraiment banal, mes collègues l'ont très bien expliqué. On est censé être face à un adolescent qui est nous, tel que nous avons été étant adolescents. Il recherche l'approbation de ses parents, un peu comme tout le monde, et surtout de son père qui n'est pas là, comme beaucoup de pères, notamment au Japon, avec la grande culture du travail où les pères sont très absents. Mais il faut savoir que dans la série, si on regarde bien le premier épisode, non seulement le père insiste pour qu'il le pilote, parce qu'il n'y a vraiment que lui qui peut le piloter, mais Misato, qui est juste à côté, donc qui va être sa sorte de deuxième mère, sa mère adoptive, également le manipule en disant bah si, faut que t'y ailles. Et Ritsuko, qui est juste à côté, donc la scientifique, qui insiste en disant ouais, c'est pas super, mais il faut que tu le fasses. C'est vraiment, il est manipulé par tout un tas d'adultes, et il se construit au fur et à mesure de la série en essayant justement de devenir un adulte. Le thème de la série, c'est d'arrêter de se faire manipuler, de prendre le contrôle. Le problème étant que Shinji, moi personnellement, c'est quand même un violeur, hein, un harceleur sexuel, hein, faut dire les mots, hein, dans le film conclusif de la première série, notamment The End of Evangelion. Oui, on y viendra. Voilà, on y viendra. Mais même dans la série, de toute façon, à plusieurs reprises, notamment une où il essaye d'embrasser Asuka dans son sommeil ou des choses comme ça. C'est un véritable anti-héros pour le coup. C'est vraiment ce que feraient des ados de 14 ans, malheureusement. Alors, on va continuer de parler d'Évangélion, mais c'est une tradition dans cette émission, quand on parle d'un animé, on écoute le générique de cet animé. On écoute Zankoku na Tenshi no Thesis par Takahashi Yoko. Zankoku na Tenshi no Yoni Shonen Yoshi. Thank you. C'était le générique d'Evangélion dans Blockbuster sur France Inter. Rei Ayanami, 14 ans. Premier sujet d'expérience sélectionné par le rapport Marduk. Le premier enfant. Pilote attitré du prototype Evangélion 00. Nous n'avons aucune information sur son passé. Tout a été effacé. Qu'est-ce qui a causé l'incident lors de la dernière expérimentation ? On n'en sait toujours rien. Mais l'hypothèse la plus probable serait qu'il était lié à l'instabilité psychologique du pilote. Une instabilité psychologique ? Quoi ? Oui. Elle était beaucoup plus perturbée que ce que nous pensions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Mais je me demande si... Tu as une idée ? Non, ça ne peut pas être ça. Marine Alexandre, vous me parliez de la qualité du doublage français sur cette série. Oui, en effet. Alors, il faut savoir qu'il y a eu déjà pour la première série, donc Neon Genesis Evangelion, dont on parle, il y a eu deux VF, donc celle de Dybex, à l'époque, qui a été produite donc, par un studio qui s'appelle Dybex, studio de distribution d'animés. Et il y a eu une deuxième VF qui a été pour Netflix, parce qu'ils n'ont pas racheté les droits de Dybex. Et donc, ils ont retraduit la série, redoublé la série. Alors, retraduit, pas vraiment, ils ont repris celle de l'époque. Redoublé, par contre... En fait, ils ont choisi une personne qui n'est pas très connue, une directrice artistique, qui s'appelle Fouzia Youssef Hollande, qui d'ailleurs après est revenue travailler sur les nouveaux films Evangelion, qui a repris à zéro tout le casting en cherchant des actrices et compagnie. Donc, ça pourrait s'arrêter là, quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans son sujet. Mais le truc, c'est que, en plus d'avoir casté très précisément en fonction du ton de la voix et compagnie, c'est vraiment impressionnant, notamment Asuka est très impressionnante. Ce qui est important, c'est qu'elle a quand même, directement sur le plateau de tournage, elle a retraduit, refait certaines phrases qui n'étaient pas spécialement claires ou qui étaient même parfois des contresens, des non-sens. Elle a beaucoup insisté sur la bonne traduction des mots, comme notamment il y a la lance de Longinus, qui est devenue Longin, parce que le mot en français c'est Longin, c'est dans la Bible, c'est Longin. Et elle a fait un travail absolument remarquable. Et moi qui suis quand même pro VO à la base, enfin surtout pour Evangelion que j'ai vu plus de 40-50 fois dans ma vie, la VF actuellement est la meilleure traduction qu'on a en France de la série. C'est assez étrange, mais à la base c'est justement à cause de la qualité de cette VF que je l'ai cherchée. Et justement le traducteur original d'Evangelion qui s'appelle Anthony Presman, c'est un co-traducteur, avait également été étonné. On a beaucoup discuté tous les trois et on se trouve que cette personne qui effectivement sortait de nulle part, la Fouzia Youssef Hollande, est une fan, mais elle connaît la série sur le bout des doigts et elle a fait un travail remarquable. Et comme elle connaissait tout, elle a été capable de rechanger des phrases entières, oui, c'était exceptionnel. Et alors, vous avez parlé des films, et justement, Evangelion a une chronologie complexe. Bruno de la Cruz, est-ce que vous pouvez resituer un petit peu l'histoire d'Evangelion ? Parce qu'il y a la série, il y a le film qui conclut la série, parce qu'il y avait ces deux derniers épisodes qui avaient complètement paumé les gens. Et ensuite, il y a eu quatre autres films. Oui, pour... Alors c'est vrai que c'est pas courant. Déjà on peut dire que ce n'est pas si courant dans le mode de production d'anime au Japon. Donc la série date de 95, elle est produite chez Gainax. Elle a un format de série télé relativement classique. Et on arrive avec les deux derniers épisodes, 25 et 26, qui ont fait l'objet d'une réadaptation sous forme de film. Donc pour faire court, vous avez la série originale et deux films d'EF. Vous avez Death, qui est le film récapitulatif. Le film qui récapitule la série. Voilà, et The End of Evangelion. En fait, Rebirth, c'est un film qui aujourd'hui est totalement oublié, qui sont les 30 premières minutes qu'ils avaient mis en avant-première de The End. J'aimerais juste préciser, je suis désolé, je reprends la parole, juste préciser, ils n'ont pas fait The End parce qu'ils n'étaient pas contents de la fin, ils ont fait The End parce que Evangelion, ça rapportait un max de thunes. Oui. C'est surtout ça, c'est en fait, lui ne voulait pas faire de film. Et les mais d'ailleurs, justement, on y viendra, le fait qu'il ne voulait pas faire de film se ressent énormément dans la rage qui habite ce film, qui est un ovni, hein, c'est-à-dire que... C'est si vous voulez voir un créateur qui vraiment lance un message... très très fort à la communauté de fans qui soutiennent une franchise en disant bah écoutez, puisque vous voulez tout ça, et ben vous allez l'avoir et vous allez vite regretter de l'avoir voulu. Que c'est vrai que lors de la diffusion de la série télé, la fin n'a pas satisfait, on va dire, les fans, et ça a mené à une forme de litige où les fans voulaient une fin plus claire, plus nette. Ah, parce qu'on était vraiment dans un truc expérimental sur les deux derniers épisodes. C'est-à-dire, c'est très bien. Personnellement, je trouve que c'est. C'est vrai que ça. On n'est pas du tout dans une narration classique. Justement, la fin a été clivante parce qu'on retient beaucoup que ça n'a pas plu. Et effectivement, il y a des preuves là-dessus sur les forums japonais. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de preuves de l'inverse, hein, de beaucoup, notamment dans des livres qu'ils ont diffusés avec des courriers de lecteurs, où ils étaient vraiment satisfaits et certains ne voulaient pas aller plus loin. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, c'était vraiment le début de comment Evangelion est clivant. Je me permets juste pour expliquer aux auditeurs en quoi ça a été vraiment clivant cette fin. On part sur un délire conceptuel sur la forme. On est vraiment parfois sur l'animation complètement expérimentale, avec des traits juste au... Des traits. Parfois, il y a même juste des traits qui bougent. Et en fait, comme on le disait au début, on s'intéresse particulièrement à la psyché de Shinji, et la conclusion de la série est uniquement axée sur la psyché de Shinji. Il y a une fin où on voit son évolution et son acceptation du monde. Et les gens étaient là, oui, mais il y a des anges et les robots et qui le méchant et la nerve et le géofront et tout ça, enfin toute la diégèse était complètement mise de côté, et ça a totalement vexé toute une partie du public qui s'intéressait entre guillemets uniquement à, on va dire, au vernis et pas du tout au moteur de la... Donc voilà, ils étaient à fond sur la carrosserie et on ne leur expliquait pas la fin de la carrosserie, alors qu'en fait on leur disait, ben voilà, le moteur c'est ça et vous l'avez de A à Z. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu le film dans lequel Anno a fait, vous voulez la fin de la diégèse, de la cosmogonie évangélionesque, et ben voilà, je vais vous en donner moi de la cosmogonie. Et c'est une bonne petite baffe quand même qu'on se prend dans la figure. Oui, parce que vraiment il faut ajouter à tout cela, c'est que non seulement dans le scénario c'est très prenant, mais aussi dans l'animation, certaines images de The End of Evangelion sont extrêmement marquantes. Il y a une sauvagerie dans les affrontements. C'est une victoire visuelle. On reste vraiment pas insensible. On a fait un blockbuster il n'y a pas longtemps sur Berserk, où je parlais de l'aspect jusqu'au boutiste de la série. Toute proportion gardée, il y a certains moments dans The End of Evangelion où on est dans la même sauvagerie vis-à-vis de ce qu'ils montrent à voir. Outre cette séquence, parce qu'on voit tous de laquelle on parle, il y a une autre séquence qui est là, justement, c'est Anno qui fait du Anno, qui fait un truc complètement expérimental et qui va mettre le spectateur face à lui-même. C'est-à-dire qu'il filme les gens dans la salle en train de regarder le film. Et qui lui ont envoyé, et il filme aussi les lettres des menaces de mort et les actrices. Il n'y a qu'une seule de lettres de prouver, en fait. Il y a une seule lettre sur l'image à la fin dans The End où on voit les fameux courriers, il n'y en a qu'une seule. Hein. Et ils ont dû la réécrire eux-mêmes, donc c'est même pas la lettre officielle parce qu'ils n'avaient pas le droit pour une question de droit. Et en fait, Anno a récemment, donc ça date d'il y a 3 mois, même pas, 3-4 mois, où il a dit que c'était un thread sur un forum japonais à l'époque. Un fil d'actualité. Un fil de forum à l'époque, où il parlait de comment tuer Anno à cause de sa fin toute pourrie. Et en fait, c'est la seule chose, dont au contraire, dans les lettres qu'on voit à l'écran, ce sont beaucoup de lettres qu'il félicite. Mais à la fin, ça se termine sur « va mourir ». On retient souvent le commentaire critique. Mais oui, on est tous comme ça. Hein. C'est vrai que Hideaki Anno a toujours été... il faut quand même rappeler que c'est un animateur, quand même, à la base. Et c'est pas si courant d'avoir des réalisateurs auteurs animateurs, qui ont les trois, qui sont capables à la fois d'avoir un jeu de caméra, d'avoir des idées. Et c'est vrai qu'il est toujours très bien épaulé par... Kazuya Tsurumaki, qui est un animateur et un réalisateur aussi exceptionnel. Et donc, ça va marier des essais... l'animation japonaise s'est construite sur des bases limitées en termes techniques quand on parle de format TV. Donc, il faut avoir des idées. Si vous n'avez pas la capacité de dessiner une foule de 10 000 personnes qui marchent, il faut suggérer qu'une foule de 10 000 personnes marche. Et pour Evangelion, c'est un excellent équilibre. C'est pour ça que je parle de réussite visuelle. Entre le déferlement très violent... Des Evas. Qui saignent, qui arrachent des bras, qui sont animales, qui sont bestiales, qui sont agressifs, et parfois un montage où vous avez une minute où ça ne bouge pas, mais ce n'est pas du tout de la fainéantise, au contraire, c'est un coup de maître, parce qu'il arrive à installer une ambiance, il arrive à installer un malaise. Oui, puis ça crée une sorte de dilatation du temps aussi. C'est pour ça que je n'aime pas trop les films, je les adore, mais qui sont suranimés, en fait. J'adore la série parce que c'est lenteur-là, entre guillemets, ou ces espaces de respiration. C'est ça l'ADN de Eva. Alors après, les films sont très bien parce que ça condense, c'est plus clair, etc. Mais pour rebondir sur ce que disait Mathieu, on a dans les films, on a ces ajouts d'images live où on voit le spectateur, on voit même les comédiennes, les seiyuu, on voit même des gens cosplayer. Donc là, c'est l'idée de l'auteur, du réalisateur, de l'animateur qui devient méta. On obtient une formule qui est assez unique, oui. Bonjour Shinji. Comment tu te sens? Ça va aller. Je crois que je commence à m'y faire. Tant mieux. Les points de sortie de l'Eva, les sources d'énergie de secours, la structure des bâtiments armés et les lieux de récupération. Tu as tout mémorisé? Oui, je crois. On va revoir les bases. L'Eva est normalement alimentée par une source d'énergie provenant du câble. En cas d'urgence, elle peut basculer sur une source d'alimentation interne, mais elle ne dispose que d'une minute d'autonomie à pleine puissance, ou 5 minutes en mode économie d'énergie. C'est la limite de notre savoir scientifique. Tu as compris? Oui. Oui. Revenons sur le mode d'induction que nous avons étudié hier. Règle la cible dans le viseur. Et appuie sur la détente. Concentre-toi, règle la cible dans le viseur. J'appuie. Ça m'étonne que Shinji accepte encore de piloter. Faut croire qu'il s'adapte. Peut-être que le fait d'obéir aux ordres lui convient. Ça lui rend la vie plus supportable d'une certaine manière. Vous avez pu entendre la voix pleine d'entrain de Shinji Ikari, doublée en français par Donald Renew. Mathieu Pinon, oui. Qui est Hideaki Anno? D'où vient-il? Que fait-il? Formidable héros des temps nouveaux. Hideaki Anno... Qu'est-ce qu'on est vieux. est né en 1960 et il est rentré en 1980, donc à 20 ans, à l'Université des Arts d'Osaka. Alors il est né à Ube, hein, c'est dans l'ouest du Japon, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Osaka. Et là, il s'est fait connaître, c'est un pur produit de son époque. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte que dans les années 70, la télévision au Japon avait littéralement explosé au niveau des programmes. Il y a eu une déferlante de séries d'animation, notamment de séries de robots, mais aussi ce qu'on appelait les premiers tokusatsu et sentai. Donc les Sentai, c'est très simple, c'est les escadrons colorés, c'est Bioman. Mmh. L'Otokusatsu, c'est un genre qui réunit non seulement les Sentai, mais aussi les métal héros comme Ixor. Et il y a un héros qui se transforme, qui est très très connu au Japon, qui est mythique, mais qui n'a pas beaucoup fonctionné en Occident, tout du moins en France, qui s'appelle Ultraman. Et donc, nous, on a eu Spectraman. Et Hideaki Anno, le premier court-métrage qu'il a pu réaliser, tout du moins à ma connaissance, c'est un court-métrage fanboy d'Ultraman, tourné avec sa petite caméra, avec des costumes vraiment en latex, on distingue les fermetures éclairs, etc. Et c'est vraiment un hommage à Ultraman. Oui, il tient le rôle principal. Exactement. Et Quelques années plus tard, se tient à Osaka la convention de science-fiction du Japon. Alors, il faut savoir que cette convention de science-fiction voyage de ville en ville. Et selon la ville où elle se pose, elle a un surnom différent. Donc, quand c'est à Osaka, c'est la convention Daikon, comme le radis blanc. Et on demande à des étudiants de s'occuper de ça. Et avec des copains, ils vont faire un petit court-métrage qui va être pour la convention numéro 3, Daikon 3. C'est vraiment fait avec 3 francs 6 sous. Ils ont récupéré des cellulos d'extrême mauvaise qualité. Et quand tout le monde veut ça, attendez, comment ça, c'est des étudiants qui ont fait ça dans un garage? C'est stupéfiant. Vraiment. Par conséquent, quand la convention revient à Osaka pour Daikon 4, ils ont des moyens qui sont un petit peu supérieurs. Ils ont vendu la cassette de Daikon 3. Ça fait 8 minutes, 5 à 8 minutes, je sais plus, le premier court-métrage. Ils l'ont vendu 300 francs à l'époque. J'ai pas l'équivalent en euros, mais c'était énorme. Là, et des personnes, tout est parti. Donc, grâce au budget qu'ils ont récupéré, ils ont pu faire Daikon 4. Et le résultat de Daikon 4, c'est que la petite équipe qui a fait ça a pu créer un studio ensuite qui s'appelle le studio Gainax pour produire un film qui s'appelait Les ailes d'Onia Mise, qui est un film avec l'un des plus gros budgets qu'on ait pu avoir au Japon. Et entre-temps, en 1984, Hideaki Anno répond à une petite annonce qu'il voit passer dans un magazine dont le rédacteur en chef n'est autre que Toshio Suzuki, qui deviendra plus tard le producteur en chef de chez Ghibli, le patron de Ghibli. Et l'annonce, c'est... Le fameux studio... Hayao Miyazaki a besoin de personnes pour l'aider pour son film Nausicaa de la Vallée du Vent. Anno se pointe et il est embauché tout de suite pour animer le géant de feu à la fin, la créature... qui dégouline. Quand on voit le travail qui est accompli, on se dit c'est pas possible que ce soit quelqu'un qui a tout juste 24 ans qui réalise ça, et en fait, si. Donc à partir de là, Anno va devenir un grand réalisateur d'animation et va faire ses débuts en tant que réalisateur avec une série d'OAV. Donc les OAV, c'est du direct to vidéo qui s'appelle Gunbuster. Et alors Gunbuster, déjà, d'emblée, on sent que le type... il est tellement pétri d'influence qu'il réussit... Et on sent l'influence de Macross aussi. Il réussit à mélanger des genres qui, normalement, ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que c'est une série de robots géants qui vont dans l'espace, qui est inspirée par une série de tennis. Ça peut paraître complètement dingue. Et on voit, c'est je pense, un des meilleurs traits de génie qu'a pu avoir Anno toute sa carrière, des robots géants qui font des pompes. Alors, justement, je mets le petit truc... Dans le premier épisode, il n'était pas... Alors, je ne me souviens plus de qui, c'était un de ses collègues. Le premier épisode de Gunbuster n'a pas été entièrement produit par lui. Il n'en a produit que la seconde moitié. La première moitié, donc les pompes et compagnie, c'est pas venu de lui-même. Ah, c'est peut-être... Il a inspiré, mais après, il est continué avec le trip, de toute façon. D'ailleurs, le combat de fin du premier épisode, c'est exactement le même combat que le premier combat contre de Neon Genesis. Le combat contre Sachiel. Et en fait, donc dans les Gunbusters, petit à petit, effectivement, il prend vraiment ses marques, où on voit, comme vous le disiez, une inspiration Macross, où là, vraiment, il fait de cette œuvre, qui est partie de quelque chose de comique, qui n'était pas entièrement de lui, et il le reprend, il met tout à la poubelle, et il reprend. Et notamment le sixième épisode, qui a retourné la tête de tous ceux qui l'ont vu, parce que, voilà, un épisode en noir et blanc, pour bien trancher avec le reste, et tous ceux qui l'ont vu s'en souviendront à vie. Donc c'est en 88. En 1990, il fait une série inspirée de Jules Verne, qui s'appelle Nadia et le secret de l'eau bleue, qui est passée... On en parlera bientôt. Voilà, aussi. Qui était passée à l'époque dans Youpi, l'école est finie, sur la 5. C'était une des raisons pour laquelle on regardait Youpi, l'école est finie. Pas que Adachi, quand même, toujours dans nos cas. Même, c'était une époque où, de toute façon, la télé était allumée. Oui, voilà. Et là encore, ça part sur quelque chose qui est très, très entre guillemets, guilleret, avec des enfants qui vont voyager, qui se retrouvent dans le Nautilus du Capitaine Nemo. Et il y a un épisode d'emblée où on se prend une scène qui est très marquante, qui avait été censurée d'ailleurs pour la 5 à l'époque, sur la mort d'un personnage qui est hors champ, certes, mais où la mort est prégnante. Et plus ça va aller, plus la série va prendre un ton très obscur, et les derniers épisodes... C'est imaginer les mystérieuses cités d'or, mais version dépressif. Hein, c'est vraiment extrêmement glauque. À partir de là... D'ailleurs, justement, je me permets, à la fin de Nadia, justement... Il est en dépression. Il est en dépression, oui, totalement, parce qu'il en a marre, parce qu'en fait, on lui a piqué la série, on lui a demandé de rallonger la série Nadia. Oui. Donc ça, c'est un truc assez connu. Donc il y a des épisodes, il a dit « Non, moi, je continue pas ». Donc il y a tout un tas d'épisodes qui sont pas produits sur par lui. Sur une île. Voilà, puis après il revient à la fin pour la fin de la série, mais vraiment très dépressif. Et si on regarde Nadia, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'Évangélion qu'on retrouve déjà, notamment Adam, on voit des mains de géants géantes. enfin des mains vraiment géantes, exactement les mêmes plans que dans Evangelion, et le grand méchant est doublé par le même doubleur que l'adjoint Fuyutsuki dans Evangelion. Oui. Suite à Nadia, donc il est en dépression. Alors c'est avec un de ses camarades avec qui il va en izakaya, d'aucuns chez Gainax et maintenant Kara, vous expliquerez qu'il est revenu complètement cuit, et grâce à ça il a obtenu un créneau pour faire Evangelion. Il fait la série Evangelion, on a parlé de la tollée qui a pu arriver sur les derniers épisodes, des films, et après les films de 87, il se met à sa première réalisation live d'un long métrage qui s'appelle Love and Pop. Alors Love and Pop, faut le voir absolument. On peut vous dire pour l'histoire, en gros, on va suivre des lycéennes qui se prostituent. Voilà, ça c'est l'histoire. Sur la forme, vous avez jamais vu ça dans votre vie. C'est vraiment un objet filmique totalement non identifiable. Il déforme les images, il change de cadre, il passe de l'horizontale à la verticale, il fait des trucs qui sont mais complètement fous. Et l'année suivante, enfin 90 toujours, il fait une nouvelle série chez Gainax qui s'appelle Kalekano. Kalekano, tout le monde l'oublie. Et selon moi, Nadia, Evangelion, Kalekano, les trois ensemble ont vraiment une cohérence, malgré la diversité des trucs, sur l'évolution du personnage, l'acceptation de soi en tant qu'adolescence, en tant qu'adolescent, s'accepter tel qu'on est face à un monde qui n'est pas toujours facile. Néanmoins, pendant Kalekano, il y a le fameux drame Pokémon au Japon, avec une scène psychédélique qui a rendu les enfants un peu... qui a déclenché des crises d'épilepsie chez les enfants qui étaient déjà épileptiques. On ne peut pas devenir épileptique du jour au lendemain. Et par rapport à ça, Kalekano, qui avait un rythme frénétique, on lui a demandé « Lève le pied un peu, Coco, on ne sait jamais. » Il a fait « Non, puisque c'est comme ça, je pars. » Il a claqué la porte à l'épisode 7. Non, c'était debunk. Justement, c'est ce qu'on pensait. Et c'est vraiment très récent. Alors, debunk. Excusez-moi. Mon Dieu. Ça a été prouvé que c'était faux. À la base, on pensait que c'était ça parce que l'orthographe de son nom changeait dans le générique de fin. C'est un truc qui se fait assez souvent au Japon quand il y a des problèmes en interne dans l'industrie. Les crédits de fin d'épisode, parfois il y a des petits secrets pour changer un petit peu les noms quand les personnes ne doivent plus être dans la prod ou qu'officiellement ils ne sont pas là. Donc on enlève une syllabe. Ouais, où il y a des noms d'emprunt, Tomino, Miyazaki. Un petit peu comme John Doe. Par oui, exemple, voilà. Réalisation. Tous les grands noms ont des deuxièmes noms, on va dire. Mais là, ce qui s'était passé sur Kalekano, on a raconté que l'autrice n'était pas d'accord avec la tournure de l'adaptation animée. D'ailleurs, les musiques de Kalekano sont dans le deuxième film Rebuild Evangelion. Voilà, que ça aurait amené le départ de Hanno. Mais il suffit de regarder la série après son supposé départ pour voir qu'il est toujours là. Et vous retrouvez tous les tropes d'Hanno, tout le cinéma d'Hanno et aussi de Tsurumaki puisqu'il est sur la série. Alors, on a quand même affaire à un réalisateur avec une personnalité singulière. Ça n'a pas l'air d'être un long fleuve tranquille quand avec lui. J'ai vu plein d'interviews de ses collaborateurs qui l'adorent. Hein. Mais qui disent que d'un jour à l'autre, on ne sait pas si le lendemain il va être là. Ça fait partie des. Désolé, je vous ai coupé. Non, allez-y. Mais ça fait partie, c'est vrai, de ces grands messieurs. Mais quand Mathieu Pinon revenait comme ça sur toute sa carrière, Hideaki Hanno, il symbolise le fan qui passe derrière la caméra. Et dans le milieu de l'animation, en tout cas dans l'industrie, vous avez différents caractères. Vous avez un petit peu les yes-man. Bon, tu réalises ça parce que c'est célèbre, bon, tu travailles sur ça parce qu'il faut un petit peu manger, etc. Hideaki Hanno, s'il a fabriqué son propre studio, c'est pas pour rien. Il arrive avec Daikon, qui est donc le 3, qui est ultra référencé Japon. Daikon 4, c'est ultra référencé pop culture mondiale. Vous avez du Spider-Man, du Star Wars, etc. Donc il s'adresse déjà, il sait à qui il s'adresse. Quand il part pour travailler avec Gainax ensuite, il y a ce premier film onéamisé qui est un four. Alors que c'est splendide, hein, c'est super, et on retrouve déjà la question de la religion, le rêve humain, etc. Mais Hideaki Hanno, malgré tout, il y a toujours un petit peu un conflit, que ce soit avec le staff, avec la production, avec le côté marketing. Donc s'il est parti faire son propre studio Kara pour reprendre sa série Evangelion, c'est pas pour rien, c'est quelqu'un quand même d'entêté, bon, de hyper talentueux, ça c'est certain, mais je ne le rangerai pas, en tout cas des différents témoignages que j'ai eus, parce qu'avec Animeland, on a quand même l'occasion de discuter avec un paquet de gens, même les gens qui n'apprécient pas forcément l'homme ou qui admirent ces séries, ils disent surtout que c'est pas, il fait pas partie des tyrans, comme Bon, on a parfois dépeint des gens comme Takahata qui étaient des tyrans. Admettons, il ne semble pas faire partie de ces personnes-là. Après, oui, hein, il a aussi une part un peu plus exigeante, mais ça fait partie de tous les grands monsieur du... En tout cas, les grands artistes. Pour avoir la chance d'être allé plusieurs fois au studio Kara et de discuter avec des membres du staff, notamment Tsurumaki, qui est son bras droit depuis je ne sais combien d'années. Alors effectivement, il y a Anno qui va parfois, quand il va pas bien, il préfère ne pas venir pour pas embêter tout le monde avec sa dépression, se changer. Et c'est même pas parce que c'est un dilettante. Il pense avant tout aux autres, il veut pas venir en tant que déprimé et foutre le cafard à tout le monde. Et ils m'ont tous dit, tout au moins les personnes que j'ai rencontrées, donc pas tout le staff de Kara, ce serait qu'il est très exigeant, il sait ce qu'il veut. Et quand la personne n'arrive pas à donner le résultat, il fournit des pistes, il est là, il est constructif dans ses remarques. On est très loin notamment d'un Miyazaki, quand on peut voir les documentaires où Miyazaki, il arrive et dit « Je veux ça, t'es pas capable de le faire, je vais le faire moi-même, incapable, sors de chez moi ». Non, Anno, il a envie il a envie de faire un truc collectif, même si à la base c'est quand même son idée. Par contre, il est capable de te faire refaire le storyboard 35 000 fois, et le storyboard, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la production Enfin, c'est un des maillons les plus compliqués à rendre dans la production d'un animé. Et pour ça, ça a été un calvaire, parce qu'il a fallu le faire beaucoup de fois. Alors, les deux derniers épisodes de la série, on l'a dit, ont créé la polémique, et Hideaki Anno a décidé de livrer une nouvelle fin avec le film The End of Evangelion. Et ce film, il y a des gens qui aiment, et d'autres qui n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. The End est le film de toutes les désillusions, celle du créateur conspué qui balance à la gueule des fans durant un bref instant les lettres d'insultes qu'ils lui ont envoyées, celle du spectateur surtout qui, s'il avait réussi à élaborer la moindre théorie sur la signification de la série, se retrouve complètement entubé, largué, malmené, mis KO, tout est foutu, tout est à recommencer, tout est redevenu totalement incompréhensible. Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à un tel déchaînement de haine pure. Catharsis débridée mêlée à une caractérisation outrancière de ses protagonistes, on ne pouvait imaginer meilleure conclusion à l'anomalie Evangelion. Ces deux épisodes finaux ont été enfantés dans la douleur, mais non sans application. Anno apostrophe directement le spectateur et lui dit « T'es satisfait ? Maintenant oublie ce qui vient de se passer et apprends à vivre ». The End of Evangelion, une réponse en forme de pied au cul, histoire de régler ses comptes avec ses anciens semblables, avant de mettre Rei et Asuka sur le trottoir. Qu'apprend-on dans The End of ? Que Shinji est nul, et que cette fois-ci, ça s'arrange pas. Le scénario est abscon, mais le principal est ailleurs. La seule chose à retenir, c'est que Shinji a échoué. Il a raté sa chance, c'est un tocard, et il mourra seul et détesté. Traduction, vous, messieurs les otaku, vous avez échoué, vous êtes les perdants de l'affaire. Un mauvais moment à penser. Alors, parlons de ce rapport un peu spécial qu'Hideaki Anno entretient avec les fans de sa série. Partant du principe, on l'a dit, que lui-même est issu de ce sérail d'otaku. Et il était ce jeune qui ne veut pas sortir, qui regarde ses animés, qui développe des relations bizarres avec certains personnages. Mais il est devenu très sévère et critique avec cet univers-là. Alors, ça peut se comprendre. Attention, ceci est une piste, mais je pense qu'on peut bien la suivre. Comme j'expliquais au début en parlant de la carrière d'Hideaki Anno, il a grandi dans les années 60-70 au moment de l'expansion de la télévision. Donc il a vraiment découvert des œuvres faites par des créateurs, des pionniers, des gens qui expérimentaient, qui tentaient des choses, qui avaient toujours de l'inventivité. Et puis le temps a passé, les années 70, les années 80. Dans les années 80, le magnétoscope est apparu. Dans les années 90, on a eu les jeux vidéo qui ont commencé à se populariser, et l'animation est devenue quelque chose de très souvent commercial. Je ne dis pas que toutes les œuvres des années 90 étaient, mais on s'est retrouvé avec des produits où on va te faire un dessin animé, et puis si ça te plaît, il y a le manga qui est à côté, si ça te plaît, il y a les cassettes complémentaires, si ça te plaît, il y a aussi le jeu vidéo, et on est vraiment rentré dans quelque chose, dans une démarche extrêmement commerciale, où finalement... De franchise, et puis alors... Qu'est-ce qui marche le plus ? Les robots géants, les filles à gros seins, les petits animaux mignons. Et donc, on va faire plein de robots géants, on va faire plein de trucs avec des filles à gros seins, on va faire plein de trucs avec des animaux mignons. Si on peut mettre les trois en même temps, c'est pactole. Et on s'est retrouvé avec des gens qui faisaient des recettes, du marketing, vraiment, qui est rentré dedans. Et Anno, il a vu les otaku qui, à l'époque, étaient des gens qui cherchaient à défricher, qui pouvaient être créateurs. Daikon, c'est un produit d'otaku, c'est un produit de créateur qui est fait dans son bureau, qui, d'un seul coup, devenait, entre guillemets, de bêtes consommateurs. Et lui-même, il voyait la culture qu'il avait toujours défendue prendre une tournure qu'il n'appréciait pas. Et les fans d'Evangelion étaient plus dans cette optique que lui qui était dans cette optique constructive. Oui, parce qu'il a commencé à avoir une sorte de fétichisation des héroïnes, notamment, dans la série Evangelion. Les statuettes de Rei et d'Asuka, ils en ont fait, mais avec tous les costumes possibles et imaginables. Et donc, je pense que ça a vraiment provoqué un sentiment assez violent de la part d'Anno envers les fans d'Eva. Alors, peut-être que je me trompe, c'est une... Mais Marianne-Alexandre va pouvoir développer. C'est une piste qui me semble assez plausible. Ah, déjà, ouais. t'as pas eu de figurines des personnages des ailes données à miser, tu vois, par exemple. Voilà. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Et puis, il n'y a pas eu de figurines de Pen-Pen en costume de soubrette. Oui. ça peut se trouver. Oui, Pen-Pen étant un grand manchot d'eau. Un pingouin d'eau chaude. Voilà, un pingouin d'eau chaude. Alors, je vais retracer un truc. On parle de Pen-Pen et des animaux mignons. Anno, c'est quand même, comme c'est dit, un pur produit de la culture otaku. Mais je pense qu'il est très important de signaler qu'il est aussi un grand fan de shoujo. Un de ses mangas préférés est un shoujo, justement, dont l'héroïne s'appelle Asuka. Alors, il faut préciser, il faut le refaire à chaque émission, mais parce que pour tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un shoujo. Excusez-moi. C'est un manga à destination de jeunes filles. Donc c'est généralement des mangas de romance, mais pas forcément. C'est Shoujo Asuka s'appelle, je crois, le manga dont il est fan. Et c'est l'histoire d'une guerrière avec des pouvoirs magiques, un peu façon Sailor Moon, qui combat une menace environnementale. Donc c'est un grand fan de manga shoujo, donc il aime beaucoup les histoires de romance, dont Gunbuster, voilà, ou tout à l'heure nous en parlait. Kanekano qui est voilà, exactement. Oui. Evangelion justement, et dans toute sa carrière, dans tout ce qu'il a fait, c'est vraiment le produit atypique, plus ou moins. Et il est aussi grand fan de créatures mignonnes. Notamment, il était extrêmement critique de Nausicaa, mais il aimait beaucoup la petite bestiole. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. On l'entend dans une piste commentaire où il fait « Ah, ce film est mal animé. Ah, cette scène est mal animée. » Parce qu'il aime beaucoup, taquiner Miyazaki. Et puis, finalement, il fait « Ah, par contre, ça, c'est mignon. Ah, ça, c'est mignon. » Donc, en fait, au final, c'est effectivement le produit de toute une équipe. Mais c'est vraiment, il a mis tout ce qu'il aimait dedans. Mais finalement, le fond de son problème à lui, c'est pas du tout les robots. Les robots, lui, c'est mignon, c'est cool. Mais c'est pas ça qui l'intéresse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quand la série a fini d'être produite, effectivement, elle rapportait beaucoup d'argent. La série était très populaire. Un jeu vidéo est même paru pendant la production de la série, alors qu'il est commencé. Sur Sega Saturn. Alors qu'il a commencé à être programmé après le début de la série, c'est-à-dire que c'était un temps de développement de 6 mois, même pas. Oui, parce que je crois qu'il y avait déjà cette volonté de faire quelque chose de cross-média, c'est-à-dire d'avoir, de poursuivre l'univers sur un autre support pendant que la série continuait. Il y avait vraiment une envie de maximaliser les profits. Tout à fait, en fait, à la base, c'était parce qu'ils ont eu plein de contrats avec plein de sociétés. Le nombre de produits est dingue. Ouais. Et en fait, à la base, donc il y avait notamment Bandai, donc les jouets et compagnie. Bandai, c'était par la suite, excusez-moi, c'était beaucoup plus tard Bandai. Bandai, c'était uniquement quand ils ont vu la popularité de la série. Parce qu'ils étaient fâchés avec Gainax, parce que justement, on est à Mise, dont on parlait tout à l'heure, a totalement floppé, et c'est eux qui avaient payé pour avoir le film. Ils ont vu un flop, donc ils ont dit ces petits jeunes, plus jamais. Puis après, ils ont vu Evangelion, ils ont fait ah ouais, quand même. Bandai qui s'occupe de Gundam. Oui, aussi, oui. Voilà. Et là, Bandai s'est dit mais pourquoi ils n'avaient pas fait Evangelion d'abord? En plus, Evangelion a changé de slot horaire au Japon. Il a d'abord une diffusion de créneau. C'est arrivé une seule fois en fait. C'était pour l'épisode récapitulatif, le 14. C'est spécialement parce qu'il y avait, c'était la fin d'année et il fallait l'épisode allait être le matin au lieu du soir. Et donc ils se sont dit bah effectivement au milieu de la série, il y a plein de nouvelles personnes qui vont regarder à cette heure-là. Donc on va faire un truc récapitulatif, puis en fait c'est un épisode où Rei sort son poème complètement dépressif. Ça a pas plu. Et ça a été pendant après les rediffusions de la série, parce que la série était tellement populaire, que effectivement ça a créé l'animé de minuit, hein, les Midnight Anime, où c'est diffusé à partir de minuit. En fait, vous avez des horaires au Japon, ça va être un animé diffusé à 26h par exemple, c'est-à-dire à 2h du matin. puisque c'est diffusé en fait à 2h du matin de la journée. Bruno de la Cruz. C'est un peu le même. C'est à cause d'Évangélion, parce qu'ils mettaient plus tard en fait. C'est parce qu'ils avaient, ils sont aperçus que ce genre de choses ne pouvait pas être diffusé à 19h, même s'ils ont tenu toute la série comme ça. Et donc finalement, ils ont créé de nouveaux créneaux horaires pour le soir. Ouais, ça marche sur les traces de. Alors, Hideaki Anno est quelqu'un qui aime beaucoup aussi Yoshiyuki Tomino, qui est le créateur de Gundam. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un parallèle entre les créations de Tomino et ce qu'a fait Hideaki Anno. C'est-à-dire que vous prenez par exemple tous les personnages de Ideon, qui est une des séries de Tomino, et c'est juste des photocopies des personnages de Evangelion. Dans l'autre sens. De la même manière que la fin de Ideon avait suscité une polémique, et la fin, le réalisateur en a fait des films, Hideaki Anno reprend un petit peu ça. Et de la même manière que Gundam a connu une seconde jeunesse de popularité grâce à une rediffusion, eh ben voilà. Donc, on se rend compte que Evangelion, qui est présenté comme le troisième impact de l'animation japonaise, le premier étant Yamato, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Gunbuster en 74, vous avez ensuite et Gundam en 79. Donc on se rend compte qu'il y a un parallèle à faire entre ces œuvres-là qui arrivent et qui impressionnent un petit peu tout le monde, qui changent un petit peu des habitudes, parce qu'on parle du real robot ou du super robot, et Evangelion a un petit peu mélangé les deux. C'est-à-dire qu'on avait d'abord le super robot qui était un petit peu irrationnel, qui pouvait faire tout et n'importe quoi, entre guillemets, alors que le real robot était au contraire. On a besoin de tout savoir, le mécanisme, comment est-ce que le bras se plie. Et va un petit peu mixer ça, et au final, ces problèmes entre guillemets de rediffusion plus tardifs pour s'adresser à un autre public, eh ben, ça se répète entre les séries qui ont créé des impacts dans l'animation japonaise. Et alors, pour revenir sur ce film The End, dans cette déclaration d'Hideaki Anno par rapport à Shinji devient véritablement horrible dans ce film. Enfin, ce qu'il fait faire à Shinji, on va le dire clairement, il y a une scène. C'est la scène d'intro. C'est la vraie première. Où on voit Shinji se masturber sur le cadavre. Il est dans le coma. Pour le moment, il est dans le coma. On peut même aller plus loin, puisque, alors, quitte à parler de Zien, parlons-en jusqu'au bout. C'est la scène d'intro où il se masturbe devant Asuka qui est dans le coma. La scène de fin, il l'étrangle sur une plage pour la tuer. Donc on a vraiment l'entrée et le dessert. C'est deux scènes extrêmement violentes du comportement de Shinji envers Asuka. C'est quelque chose qui est... On débute le film, on se prend une énorme baffe, on le sort, on se reprend un uppercut. Mais qu'est-ce qui, et là je pose la question, parce que moi ça m'a fait ça en tant que spectateur, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'un point de vue historique, non? Ok. Bon, j'ai juste très rapidement, d'un point de vue purement historique, parce que moi j'aime pas trop supputer, d'un point de vue historique, lui, quand il a fini la série, en fait, il y a eu des gros problèmes de temps, pas d'argent, mais de temps. Donc c'est pour ça que les séries à la fin ressemblent à ça, c'est plus du temps et c'est aussi une création artistique, dit clairement. Pour lui, c'était terminé. Son message était clair. On parle pas des robots, on parle de la psychologie. Pour lui, c'était terminé, il a arrêté la série. Et là, tout à coup, une semaine plus tard, deux semaines, on annonce un film. Et il dit non, je fais pas le film. Donc le film, il commence, c'est Kazuya Tsurumaki qui commence à travailler sans lui dessus, avec une équipe. Il travaille sur différentes choses, lui, il n'en veut pas. Et pendant toute cette année, donc ça dure pendant un an, on voit des cosplays dans la rue, on voit Akihabara, le fameux quartier qui avant était le quartier de l'électronique, qui se transforme en vrai repère otaku. En fait, j'ai cherché, j'ai vu des photos, des machins, ou des histoires, où on voit des petites figurines, ça se vend très bien, donc ils en mettent plus, donc ça se vend très bien, donc ils en remettent plus. Et finalement, il y a d'autres séries qui arrivent. Et puis finalement, le quartier entier change. Et le quartier entier, et d'ailleurs, justement, Inutor, il en parlait des photos, des vidéos de cosplay, mon collègue. Et justement, c'est des vidéos prises à Akihabara. Il y a justement des scènes coupées où on voit vraiment que c'est le quartier. Et il y a aussi à côté tous les mangas porno, évidemment. Et Anno détestait ça. Il avait créé des héroïnes fortes. Hein. Il avait fait effectivement des personnages intelligents, des femmes fortes, parce que c'est quand même un anime quand même assez féministe. Et il a vu que tout le monde les a réduits à l'état d'objets sexuels et même de clichés. Hein, le cliché de la fille colérique, qu'on appelle les tsundere, et de la fille toute mignonne et toute douce, les kudere. Il a été absolument dégoûté. Donc en fait, dans The End... Il a décidé de casser la franchise. Oui, il a voulu... C'est ça, c'est littéralement... Il a voulu dire, Evangelion, c'est terminé. Oui, c'est-à-dire que Hideaki Anno, c'est comme si J.K. Rowling, en ayant marre d'Harry Potter, disait, dans cet épisode, on va voir qui bat sa femme, qui picole. C'est vraiment ça. Et je pense vraiment, alors là par contre, contrairement à Marine, je ne vais pas être factuel, je vais être dans l'interprétation, donc je peux me tromper, c'est ma vision des choses, mais je vois vraiment The End comme la relation entre Asuka incarne la licence Evangelion. C'est pour ça que on a l'otaku qui se masturbe devant la licence au début. On va avoir la scène où, fameuse scène d'une violence extrême où elle se retrouve en combat contre les anges, elle perd. Ça c'est un, c'est une barbarie sans nom. Et donc vraiment, elle prend la pire violence possible et on finit avec sa mort. Enfin, son, où c'est alors est-ce qu'on peut voir en Shinji Hideaki Anno, est-ce qu'on peut voir en Shinji l'otaku qui regardait la série, mais oui, il y avait une déclaration. Voilà, il y a vraiment une déclaration. Et pour moi, Asuka incarne Evangelion pendant tout le film. Et c'est pour ça qu'elle en prend plein la tronche pendant The End. Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps en me mettant uniquement dans l'état d'esprit d'Asuka, qui déjà a un passif qui n'est pas facile à l'origine. C'est insupportable. C'est quasiment impossible de regarder tout le film en essayant de se mettre en empathie avec Asuka. Il faut préciser qu'Asuka n'est pas japonaise. Oui. Non plus. Et ça change pas mal. C'est quelqu'un. Ben voilà, donc elle arrive. Elle est plus exubérante que les autres parce qu'elle est, elle est pas liée par les codes du Japon. En tout cas, elle se moque aussi assez régulièrement. C'est quoi ces portes vous avez chez vous la réponse pour pas dire vraiment ce que tu penses. Donc c'est aussi un personnage qui est très intéressant pour ça. Dis. Quoi encore? Pourquoi est-ce que tu pilotes une Eva? Ça me paraît évident. Pour montrer mon talent au monde entier. Pour prouver que tu existes? Oui, si tu veux quelque chose dans ce goût-là. Tu vas pas poser la question à Rei? Je lui ai déjà posé. Vous avez l'air intime tous les deux. Pas du tout, tu te trompes. Et toi, pourquoi tu pilotes une Eva? Ah, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? T'as rien dans la tête ou quoi? Peut-être que j'ai rien dans la tête. T'es vraiment idiot. On vient d'entendre Asuka Soryu Langley, justement cette pilote de l'Eva qui, elle, vient d'Europe et qui est doublée en français par Emily Rowe. Donc effectivement, c'est comme ça a été dit, Evangelion, c'est quand même une série qui a fait la part belle à des personnages féminins très forts. Et même si, effectivement, c'est aussi une série qui est connue pour la fétichisation de ses héroïnes. Et alors, il y a évidemment ce film qui était la réponse d'un créateur vis-à-vis d'une franchise qu'il jugeait dévoyée. Et il y a ensuite ces quatre films, dont le dernier vient d'être diffusé sur, est accessible via Amazon Prime. Film visuellement absolument époustouflant, mais où il a décidé de raconter une nouvelle version de son histoire. Donc, comment, pour quelqu'un qui justement s'était presque fâché avec sa franchise, comment il a eu l'idée de se dire, ok, maintenant la technologie me permet peut-être de raconter les choses autrement et j'ai envie d'y retourner. C'est complexe dans le sens où les films ont commencé à être créés, ils ont annoncé le premier, alors j'avais noté la date, c'est en 2006 pour le premier remake. Donc effectivement, ça a été, on va refaire la série avec des moyens modernes. Et finalement, il a commencé à faire le film, il a changé d'avis. Et en fait, entre le premier film en 2006, donc annoncé, commencé à réfléchir en 2006, et le dernier film qui est diffusé en 2021 sur les écrans japonais, puis après sur Prime, son état d'esprit a complètement changé, sa vie a complètement changé, ce qui fait que chaque film a un état d'esprit véritablement différent. Ça se sent énormément. Chaque film est complètement différent. Donc le premier, c'est effectivement refaire l'introduction d'Evangelion, parce qu'il voulait, c'était ce qu'il voulait faire à la base, mais de manière très claire. Donc cette fois-ci, tout est dit vraiment de manière verbatim. Aussi, c'est beaucoup plus centré sur l'action. C'est juste un ressenti, mais la force, je crois, de Eva, c'était de ne pas créer ses intentions, en fait. Et le film, le Rebuild, en tout cas, le premier film de Rebuild, elle remet un petit peu, c'est vrai, les choses un peu dans l'ordre. Si vous connaissez pas Evangelion, parce qu'on s'adresse aussi potentiellement, je conseille malgré tout de regarder la série originale, la première version série télé originale. Les films seront aussi tout aussi profitable. J'ai fait le test avec ma compagne qui, elle, n'avait pas vu la série. D'accord. Et qui a regardé les films, donc qui a découvert Evangelion via les films. Et en fait, ça lui a paru très obscur. C'est-à-dire que... J'ai fait la même chose, elle n'a rien compris. Oui, cette lenteur qu'il y a dans la série originale permet de rentrer vraiment dans l'univers, de comprendre les codes, qui est qui. Le film raccourcit, surtout le premier, raccourcit les choses de manière... Alors, c'est visuellement très très beau. Mais c'est dense. Comme c'est il se passe dense, beaucoup de choses. Il y a trop de personnages, trop de trucs. Et puis, c'est la même expérience avec, je cite encore Gundam, je suis désolé, mais il y a une trilogie qui récapitule la première série. Je conseille toujours de voir la première. Même si c'est 46 épisodes, vaut mieux regarder ça. Par contre, juste une dernière chose. Quelqu'un qui crée son studio, donc déjà, c'est pas tous les jours au Japon. On dit que Mamoru Soda, donc le réalisateur de Le Garçon et la Bête, Les Enfants Loups, Mirai, ma petite sœur, ou Makoto Shinkai, donc Your Name, Les Enfants du Temps, prennent 3 ans normalement pour faire un film. Ce sont des films techniquement hyper aboutis. Là, on se rend compte que même si tout était plus ou moins tracé avec Eva, regardez le temps que ça prend. Donc il y a un soin et une exigence et une réécriture même de la série. Quand vous regardez le premier film Rebuild, il y a plein de choses qui sont effacées, qui sont enlevées, qui sont refaites. Ce n'est pas un récap un peu plus joli. Alors, c'est quand même une réécriture. Il suffit juste de comparer pour voir. Après, il y a des morceaux qui sont conservés, bien sûr. Pour rester donc sur le premier film, en fait, la chose, c'est qu'Evangelion, à ce moment-là, pour lui, c'était du passé. Et le problème, c'est que le discours sur Internet et même entre les personnes ne tarissait pas. Et l'une des choses qui se passait, c'est que les gens ne comprenaient pas la série. Il y avait encore des personnes qui demandaient d'où venaient les anges, alors que ça avait été clairement dit, notamment dans un jeu vidéo qui est sorti par la suite, ça s'appelle Neon Genesis. C'est ça le problème. Mais en fait, dans la série, ils le disent, nous venons du fruit de la vie, nous venons du fruit de la connaissance, les gens viennent du fruit de la vie, mais c'est dit de manière tellement cryptique, ils ne s'en rendent pas compte, je pense. Ou alors, il est juste un peu pédant. C'est dit dans la série, il a recommencé et il était frustré à l'idée que les gens ne comprennent pas. Donc, d'ailleurs, c'est ange en français, alors que ce serait plus apôtre en japonais d'ailleurs. Donc, mais ça fait partie du charme. Moi, je trouve c'est lui qui a voulu, c'est lui qui a choisi la trad. Mais je pense que ce serait, je pense que ça fait partie du charme. Tu vois, si on nous donne toutes les clés tout de suite, alors on retombe dans ce qui se fait malheureusement chaque saison dans l'animation japonaise. Si je peux me permettre d'apporter un autre éclairage, une autre piste pour explorer le rebuild. Alors déjà, avant de faire ça, Rebuild 4, le dernier à sortir, ça s'appelle Thrice Upon a Time en version il était 3 fois, et ça montre bien à peu près la démarche quand même finale, c'est qu'on a eu 3 narrations différentes, une série, un premier film et ensuite une quadrilogie. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que Anno, après avoir fait... avoir commencé du live, il s'est éclaté à faire du live. Vous avez parlé de Love and Pop, il a fait un autre film qui s'appelle Ritway, il a fait Cutie Oni. La version live. Et en même temps qu'il faisait la version live, trois OAV qui sont sortis, qu'il a supervisé, il a remis un pied dans l'animation. Et en ayant ses soupapes dans le live, ça lui a permis d'aller mieux, de pouvoir prendre du recul par rapport au produit Evangelion sur lequel pendant des années il a eu la tête dans le guidon et il pouvait pas en sortir. Et il a commencé à faire les films Evangelion et il y a eu 2 grosses coupures, notamment entre le film 3 et le film 4, entre 2012 et 2021, 9 ans quand même, c'est presque 10 ans qu'on attendait la fin de cette quadrilogie. Et il y a eu Miyazaki qui lui a demandé de venir faire le doubleur du personnage principal du Vent se lève. C'est un rôle qui n'est pas pour lui, parce que Anno, quand il parle, c'est pas le mec avec la voix la plus enjouée, la plus dynamique et la plus expressive du monde. Franchement pas. Mais il va super bien dedans. Et justement, Anno avait besoin de ce côté un peu lancinant pour le personnage principal. Et ça a permis à Anno de faire de l'animation d'une manière différente, autrement. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est assez pertinent, parce que je trouve vraiment que ça a eu un impact même sur la narration. Entre le 3 et le 4, si jamais vous voulez véritablement voir à quel point on sent une narration mûrir chez quelqu'un, je trouve qu'entre l'Évangélion 3.33 et le 4e accessible, il y a cette idée de poser les choses et d'amener... et on retourne un petit peu à cette lenteur qui était initiale dans la série de base, mais mieux maîtrisée. Et c'est celle d'un homme et plus d'un enfant, en fait. Et ça, on le retrouve, je pense que c'est un élément charnière qu'il faut vraiment pas oublier. Shin Godzilla 2016, qui a été un triomphe au box-office. Et pour bien pouvoir... Qui est honteusement inaccessible pour l'instant. Vivement, en préparation. Je l'ai vu 10 fois en import en Angleterre, mais c'est un chef-d'œuvre ce film. Et surtout, incroyable. Dans la bande originale de Shin Godzilla, il y a des extraits de la bande originale d'époque, mais surtout, il y a plein de morceaux qui viennent d'Evangelion, où Shiro Sagisu, parce qu'on a oublié de le citer, mais Shiro Sagisu, le compositeur, a un rôle essentiel aussi dans le succès d'Evangelion. Toutes les musiques que vous entendez depuis le début sont d'une diversité folle, c'est grâce à ce compositeur. Et donc, on retrouve des morceaux, mais tels quels, dans Shin Godzilla, et ce qui prouve bien que Anno a changé son regard sur Evangelion grâce à toutes ces soupapes qu'il a pu s'offrir. Encore une fois, c'est une façon que j'ai de voir les choses, mais je pense ne pas être trop loin de la vérité, tout du moins je l'espère. Bruno Delacroix, j'ai l'impression que vous vouliez ajouter quelque chose. Anno s'est aussi rapidement distingué parce que c'était quelqu'un, certes, c'est un, on va dire lui aussi, qui vient de la culture otaku, mais il a toujours quand même ouvert des fenêtres sur le monde pour regarder d'autres cultures. Et malheureusement, je pense qu'il y a trop peu de réalisateurs, ou en tout cas de réalisateurs, auteurs et animateurs qui sont dans cette situation-là. C'est pour ça que sur Daikon, il est capable de te citer Starship Troopers, Star Wars, Spider-Man, etc. très très tôt, alors qu'au Japon, c'était pas encore non plus la totale folie, quoi, Spider-Man, etc. Même si on a vu quelques œuvres qui en parlent. Donc il est toujours curieux de ça, c'est vraiment un technicien. À chaque fois, les personnes sont admiratives de sa technique. Et c'est presque un électron libre hein, en ce sens-là, parce que c'est quelqu'un qui est attaché non seulement à son œuvre, mais qui est. Il fait un petit peu partie, pour moi, des descendants de Osamu Dezaki, qui est un réalisateur, très grand réalisateur aussi, d'une plus vieille école, qui a fait son cinéma sur l'animation limitée. Et c'est pour ça que quand je le vois sur un film avec un plus gros budget, et lui-même encore, il disait « j'ai jamais eu un budget aussi fou pour un film, c'est parce que c'est Evangelion », eh ben il renie pas son cinéma totalement. Et ça, je crois que c'est très important, c'est ce qui fait la différence, selon moi, entre un grand réalisateur et un très grand réalisateur, parce qu'il n'oublie pas son premier public. Et en même temps, on voit clairement qu'avec ses collaborateurs, avec son studio, il arrive directement à maîtriser des méthodes d'animation qui sont extrêmement modernes. Ah oui. C'est-à-dire que sur le dernier film, on est proche d'une folie visuelle, comme on peut le voir dans plein d'animés contemporains, avec des plans séquences de folie où la caméra virevolte. Il a fait modéliser toute une ville pour... prévisualiser tous les combats. Enfin, ça, c'est des trucs que vous ne pouvez pas faire. D'ailleurs, il a encore dit récemment en interview chez nos confrères de 20 minutes que vous pouvez pas demander de tel budget pour prévisualiser les scènes de combat, pour tout modéliser. Ça, c'est des choses, normalement, pour vous faire court, si vous faites un storyboard d'un épisode animé, si vous le faites en un mois, vous êtes un phénomène. Donc, il n'a pas fait de storyboard pour le dernier, justement. C'est ce qu'on. C'est non, ce mais que pour dire que la chaîne de fabrication, elle te permet pas normalement d'avoir autant de latitude. Enfin, c'est incroyable. Et alors, justement, en revoyant Evangelion pour préparer cette émission, je me suis rendu compte du leg en termes d'écriture de personnages, mais aussi de narration par rapport aux animés modernes. J'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps sur l'Attaque des Titans. Ah, ouais. L'Attaque des Titans. C'est l'enfant illégitime d'Evangelion. C'est-à-dire que c'est plus fort que ça. C'est que Evangelion à la base était censé littéralement être l'Attaque des Titans dans les trucs de base. C'est en 1993 qu'ils ont commencé à faire vraiment à poser les bases dans un truc qui s'appelait la Proposition d'Eva. Ça parlait de grands géants, monstres, dévoreurs d'humains qui rôdaient sur des terres et qui mangeaient les humains. Ils ont montré ça à Gainax, aux décideurs, à télé. Ils ont fait « Ah non, on peut jamais mettre ça, on peut pas mettre des grands monstres qui mangent des humains à la télé, ça va jamais passer. » Donc ça fait essayer. Ah, c'est lié totalement. Et en fait, justement... Comme Anno s'est senti pousser des ailes pendant la série, il y a une scène, le 16e, 17e, c'est quand l'Eva se réveille, où justement elle mange un autre ange. Oui. Donc la scène du cannibalisme se retrouve. Mais à la base, c'était son idée. J'avais terminé. Je pense que pour l'Attaque des Titans, il s'est inspiré du synopsis de base d'Evangelion. Je ne ferai pas la cause. Parenté aussi rapproché, mais bon, il est évident, on en a un petit peu rigolé entre observateurs, qui est de dire que l'Attaque des Titans, étant donné que le pilote se situe dans la nuque, ça rappelle une mécanique un petit peu. Après, j'irai pas au-delà, parce que le nihilisme, le pessimisme existait avant Evangelion. La force de la série, je vais citer mon copain Philippe Bunel, c'est d'avoir absorbé 25 ans d'animation japonaise et d'avoir influencé à son tour 25 ans d'animation japonaise. Donc en soi, ça n'invente rien, Evangelion. Mais par contre, ça bouscule les habitudes. Oui, ça bouscule, parce que c'est vrai qu'on parlait de Macross, mais c'est vrai que pour qui a connu aussi ça, ou Gundam, on le retrouve aussi à chaque plan dans Evangelion, et on pourrait très bien dire, on n'a rien inventé. Les Eva, des Eva qui ressemblent à des mecs de Super Durant, enfin à des monstres de Super Durant, donc on est vraiment dans la référence. Mais ce qui est fort avec Eva, c'est que si tu regardes juste Evangelion, bon, tu peux aimer ou ne pas aimer, comprendre ou ne pas comprendre, mais ça reste quand même une œuvre forte, encore une fois, la réussite visuelle. Après, quand tu connais un petit peu ce qu'il y a eu avant, tu te dis, ah oui, d'accord, C'est fort parce que là, le design, il te l'assouplit. Il fait un truc plus bestial, plus viscéral. Et c'est là que c'est intéressant. Et j'irai plus loin que Bruno. Je vais également citer le poteau Philippe Bunel, avec qui j'ai écrit un peu d'animation japonaise. Très très bon livre, au passage. Parce qu'on l'aime beaucoup. Mais plus qu'un héritage sur le fond, il y a vraiment un héritage formel d'Evangelion. Au sens où Anno, comme on l'a dit, c'est aussi quelqu'un qui sait filmer, qui sait animer, mais qui sait aussi filmer en live. Il a l'œil d'un animateur. Je me suis rendu compte, là, sur le 4, il y a vraiment des moments où il travaille sur la profondeur de champ. C'est quelque chose qu'on exploite très rarement en animation japonaise. Il y a vraiment des scènes, mais c'est... Et il y a des motifs récurrents dans sa mise en scène. La fameuse porte, la porte coulissante qui revient tout le temps. Est-ce qu'on passe le pas de la porte ou est-ce que franchir le seuil. Franchir le seuil. On se souviendra tous de la main de Misato qui veut attraper Shinji et Shinji qui part et qu'on va retrouver d'ailleurs dans le film avec la gâchette. Enfin, il y a des motifs qui vont être récurrents. Il y a des motifs de mise en scène qui sont vraiment plus inspirés par le cinéma live que par l'animation limitée. Et tout ça a inspiré beaucoup plus la nouvelle génération d'animateurs et de réalisateurs actuels. Et le studio Kara est très intéressant pour ça parce que ils ont fait appel. Alors, on retrouve Tsurumaki, on va trouver Maeda, on va retrouver des gens qui ont une expérience hors du commun pour bosser sur Evangelion, mais également toute une équipe de jeunes et qui ne sont pas là que pour exécuter les demandes des anciens, mais pour apporter aussi du sang neuf et des idées. Par exemple, Hibiki Yoshizaki, il a une mission très très simple sur Evangelion. Il s'occupe de ce qu'on appelle les affichages tête haute. Donc, c'est les données qu'on peut voir sur l'écran. C'est lui qui a appris à toute l'équipe de Kara comment fonctionne un affichage tête haute. Que non, là, ça, c'est pas possible, on peut pas mettre ça à tel endroit, parce que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique. Donc, il y a vraiment une interaction entre plusieurs générations d'animateurs qui se passe chez Kara, et à ma connaissance, c'est le seul studio qui travaille cette dynamique. Et alors, c'est rare. On approche vraiment de la fin de cette émission. Dernière question sur la lecture de la série. Parce que c'est vrai qu'on, depuis le début, on parle d'Evangelion comme d'une série avec des robots, des anges, des combats et tout ça. Mais c'est surtout, à mon sens, une série sur la psychologie des êtres humains, notamment le rapport aux autres, les liens. Est-ce qu'il vaut mieux créer des liens au risque de souffrir avec tout ce que ça peut, ou est-ce qu'il vaut mieux se couper de tout, ne rien vivre et du coup ne jamais être déçu, mais à ce moment-là avoir une vie qui est une carapace vide en fait, comme une Eva qui serait habitée par personne. Donc quelle est votre lecture d'Evangelion série, film, sur la totalité? D'accord. Dans la première série, c'est clairement vaut mieux rester dans son coin, même s'il dit l'inverse. Dans la deuxième série, il y a tout le monde. J'ai beaucoup pleuré dans le dernier film. Moi, qui suis très attaché au personnage et qui m'identifie beaucoup à certains personnages, surtout une. Dans le dernier film, où on a Misato qui s'excuse, on a vraiment le père de Shinji qui s'excuse profondément, sérieusement. Ah, il peut, lui. Ah oui, il peut. Oui. J'ai vraiment quand le père de Shinji. Moi qui ai des relations aussi compliquées avec mes parents, quand le père de Shinji s'excuse, j'ai été une fontaine pendant 10 minutes non-stop. Ça a été le dernier film est vraiment, faut profiter de la vie, même si au contraire, si on est mortel, c'est pas grave, c'est ça qui fait le sel de la vie, c'est ça qui fait que c'est beau. Et justement, qu'il faut, je sais pas, tout le monde se rapproche, les liens sont enfin brisés. Toutes les souffrances qu'il y a eu pendant ces 25 ans, c'est fini. Donc en fonction de la série, je pense qu'il y a deux messages vraiment différents et c'est justement ce que j'aime, personnellement. Bruno ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les artistes ne nous doivent rien et que les réalisateurs ne sont pas là pour nous divertir ou nous dire... Voilà, je prends toujours les messages de Anno ou d'autres quand ils ont des choses à dire, parce que Evangelion, ça raconte quelque chose au-delà d'un plot assez basique, de vernis, comme disait Mathieu. Je pense que, sans aller dans la grande leçon, il faut qu'on accepte aussi que on peut avoir peur, voilà, qu'on peut avoir peur d'aller se frotter, que c'est pas honteux de se confronter à prendre des responsabilités, c'est pas honteux de se réfugier, c'est pas honteux d'être un peu triste parce que notre père ne nous aime pas ou ne le montre pas. Et en ce sens, je vous conseillerais toujours, parce que dans le film Rebuild, c'est pas très bien montré, mais de regarder l'épisode 4 de la série télé qui met en place qui exploite le syndrome du hérisson. Donc, fun fact, excusez-moi, L'épisode 4 est le seul qui n'a pas été réalisé. Voilà. Il a pas du tout participé au quatrième épisode, c'est le seul. C'est le seul. Eh ben, il suffit de regarder toutes les digressions graphiques aussi que vous avez là-dessus. Mm-hmm. Vous avez même des tableaux qui sont carrément des tableaux de peinture. C'est exceptionnel. Comment est-ce que Hikari Shinji va s'isoler? Il va même au cinéma pour regarder un film et on lui dit clairement, c'est les sous-titres du film, qu'il doit regarder un spectacle déplorable. Donc il n'y a rien de honteux à être faible, à être en difficulté. Voilà, c'est ce que je retiens. Oui, c'est là où il voit des spectateurs qui se bécotent dans la salle. Voilà, il les par regarde. Exemple, il est là, il est comme ça. Oui. Et ça disparaît un petit peu du film. Mais je pense que c'est une très belle expérience. Et en tout cas, c'est un de mes épisodes favoris. Mathieu Pinot. Alors, pour ma part, avant de répondre à votre question, je voudrais juste préciser qu'on n'a pas arrêté de parler de la psyché des personnages, de dire qu'il y a aussi tout un côté mystique qui est là pour enrober. Faut pas oublier, quand on regarde Evangelion, on peut aussi prendre du plaisir juste à regarder Evangelion. Il y a des épisodes qui, pour ça, sont merveilleux parce que c'est presque des épisodes un peu cartoon. Je pense à l'épisode où Shinji et Asuka doivent danser simultanément avec leur robot pour... Oui. On va les retrouver vraiment plantés parfois avec juste les deux pieds qui dépassent. Donc il peut y avoir un côté très léger aussi dans Evangelion qui s'assume. Maintenant, pour ce qui est de ma façon dont je vois la série dans sa globalité, je pense que sur ce qui est la série télé, on apprend avec Shinji qu'il faut faire des efforts pour avancer dans la vie. Voilà, qu'on peut pas tout attendre de la vie, qu'on peut pas rester planqué dans son coin, et qu'il faut à la fois faire des efforts, mais aussi faire des compromis. Savoir dire que ça me plaît pas, mais ce sera toujours là et je vais faire avec. Et Rebuild va plus loin dans cette démarche selon moi, parce que non seulement il y a les efforts, les compromis, on apprend à reconnaître ses erreurs. Et c'est justement tout ce qu'on va retrouver dans le quatrième film, où tout le monde s'excuse quasiment sur la dernière heure, tout le monde s'excuse piteusement et sincèrement des erreurs qui ont pu être faites auparavant. Et ces excuses qui sont là entre les personnages sont presque pour le spectateur, et ça nous donne une fin qui pour moi est la plus belle fin. Ça faisait 25 ans que cette licence existait, et cette grande question, comment dire adieu à Evangelion? Et la fin du 4 m'a laissé pantois parce que j'aurais jamais pu imaginer ça, et c'est la plus belle fin qu'on pouvait avoir. Tout du moins, selon moi, encore une fois. Avec un succès d'accord. En salle. Et moi, je trouve que justement, le 4 aussi répond, mais alors pas exactement de la même manière. Pour moi, ça ne m'a pas fait exactement le même effet, même si j'étais ravi justement d'avoir cet abcès crevé finalement. Mais. J'en reviens toujours à ce petit village dans le 4. Je trouve que c'est une sorte de sagesse fondamentale, populaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ta dépression, quand tu es trop prisonnier de ton cerveau, arrête de penser, plante un truc. Pas un humain. Voilà. Fatigue-toi tellement que tu n'auras plus l'énergie de penser, et au final c'est à ce moment-là que tu vas vivre. Et je trouve que c'est ce que nous dit ce 4 aussi, c'est que des fois ton propre cerveau joue contre toi en fait, et que rien de ce qu'on a dit n'est contraire, hein. Oui, tout ce qu'on dit ça se complète, c'est totalement et d'ailleurs si vous regardez Rebuild, regardez les génériques, et surtout le générique de fin, le 4. Alors non, il n'y a pas une scène post-crédit à la Marvel, c'est pas ça, mais il y a une chanson, et les paroles de la chanson signe vraiment la fin d'Evangelion, elles ont une importance. C'est Utada Hikaru, qui est une des plus grandes chanteuses japonaises, c'est vraiment une star qui participe à la saga depuis le début, les quatre films, et s'est occupée des génériques de fin. Les paroles ne sont pas là par hasard, c'est pas juste une petite chanson pop qu'on a placée ici, et donc prenez bien la peine d'écouter les paroles de la chanson pour pouvoir enfin dire au revoir à une licence qui nous a fait rêver pendant un quart de siècle, c'est pas rien. Voilà, donc on dit au revoir à cette licence, et en même temps on invite énormément d'auditeurs à la découvrir, vraiment, parce que c'est un pan... Il y a même la version manga qui va arriver l'année prochaine normalement chez Glénat, qui n'est pas une simple redite, pas du tout, de la série, et c'est signé par le character designer Sadamoto. Et juste une chose, comme l'a si bien dit Marine, hein, peut-être que durant cette émission, on aura peut-être dit des bêtises qui vont être débunkées d'ici 2 mois, 3 mois, 1 an. Preuve que Evangelion est quelque chose qui qui n'a pas d'aspect définitif. C'est en construction. Qui n'a pas d'aspect définitif, quoi qu'il arrive. C'est la fin de cette émission consacrée à Neon Genesis Evangelion, ou Evangelion, parce qu'il y a deux écoles. Hein. Avant l'émission, j'étais en train de me dire, je dis Evangelion, je dis Evangelion. Voilà, les deux. Marine Alexandre, Mathieu Pinon, Bruno Delacroix, c'était un plaisir de vous recevoir de parler de cet animé. Merci à vous. Blockbuster est une émission réalisée par Céline Hila, Fabrice Desmaz et Vincent Dessière. Elle a été préparée par Cyril Marchand et je les remercie du fond du cœur. Vous pouvez, chers auditeurs, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. J'aimerais tellement qu'on me laisse piloter une Evangelion tout seul au moins une fois dans ma vie. Non, je te le conseille pas. Ta mère se ferait du souci pour toi. Oh, c'est pas un problème, ça. En fait, moi non plus, j'ai pas de maman. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.